la prod du chimiste gros. Comme un chauffard, j'ai l'attitude d'un banlieusard. 9-4, Val de Marne, à ma bouche un cigare. C'est pour ceux qui se couchent tard, les regards en bas des bars. Vas-y, rallume ton pétard, que tu sois dehors ou au star. Arcueil, chaperon vert, que des jeunes en colère. Rêve d'un futur de millionnaire, sans diplôme scolaire. Éduqué dans les cages, ma vie un bras de fer. Esquiver les plans foireux, ne pas finir à Nanterre. Le chétan est dans nos yeux, agacé et nerveux. Au Tchika, on fout le feu, pour les flics c'est dangereux. On est brûlant, fulgurant, toujours brutant et méfiant. Car on dit, on vend tous les stocks de stupéfiants. La rue on a surmonté, contre de police, j'ai revu. Notre attitude sur le bitume, reflète notre amertume. On est fou, on est dingue, les faux MC on les flingue. Casse-toi de la sale catin, si je rappe c'est pour les miens. Putain ferme ta gueule, avec moi joue pas le crétin. Les putes ouvrent leur gueule, c'est toujours le même refrain. La banlieue sud c'est la jungle, dans la rue on est plein. Les faux se noient dans leurs fringues et seuls les frais se distinguent. Bah ouais gros, ici l'attitude pour le sud. On a le comportement, la dégaine et nos habitudes. Son à l'unisson, une perfusion dans tes veines. Une injection, un poison, mais 19-4 VDM. Sacré, foulette on se reconnaît quand on sait. Genre nous, fumeur de rime c'est pour 9-4 ghetto. Avec mes sauces on progresse, on reste nous-mêmes. 9-4 phénomène, trop vénère dans nos gènes. Bouillard. Toujours aussi revendicatif de mon département. BS 9-4, si tu crois que je m'ennuie ta maman. De toute façon notre attitude ne s'acquiert pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et dans ce cas, y'a pas de là, bouge de là. Pourquoi dit-on qu'on est au fichel, matelas dégaine. On marche de travers, pas comme pétain maréchal. On dit que Raffar un conseil, la positive attitude. Demande à méga chez nous, c'est banlieue sud attitude. On reconnaît un foulet du 9-4 à son vocabulaire. Trop pépère, à la main sa bière, qui plus est. Influencé par le grand banditisme, on est tous un peu paro, engrainés par le communisme. N'étonne pas si les meufs d'Arcueil, de Vitry ou de Choisy le roi. Ne te calcule pas, dis-tu, et non que faire de toi. Car l'instinct de survie est la devise, donc on russe bise à petite ou grande échelle en temps de crise. On mise sur la réussite, faisant croquer la famille comme classique. Fais tourner le CBR ou le Daïs photo. Même chaos technique, on rappe trop, ghetto sur le beat. Tout le monde connaît la touche 9-4 musicale et sans limite. Ouais gros, ici l'attitude pour le sud, on a le comportement. La dégaine et nos habitudes. Son à l'unisson, une perfusion dans tes veines. Une injection, un poison, mais 19-4 VDM. Sacré, foulette, on se reconnaît quand on sait. Genre nous, fumeur de rime, c'est pour 9-4 ghetto. Avec mes sauces, on progresse, on reste nous-mêmes. 9-4 phénomène, trop vénère dans nos gènes. Bouillard. Tu ne vois pas que la vie c'est rude dans ma banlieue sud. Car ce sont dans nos attitudes. Y'en a qui t'entubent et d'autres qui te rentrent dans les plumes pour des thunes. À la sortie de boîte, y'en a qui t'entubent et d'autres sur la assise. Qui fument la boîte lisse du VR6. Son périph, j'écraserai bien quelques racistes. C'est pour ça que je persiste. T'as reconnu la BS attitude. Accueil a choisi, on a choisi. Une fois fourré notre nez dans la CC. Et ça, tu le sais, viens du CHMP. Mais ma banlieue sud attitude, c'est aussi le haut lieu du braco. Tous attirés par le roro. Dans nos rues, quelquefois, on se croirait à Sarajevo. J'ai le cerveau surchauffé au béto. J'en place une pour classique dans mes lyrics. Val de Marne toujours aussi agressif, sans jamais laisser d'indice. Bouillard.